Parker, Coltrane et Miles me provoquent des transes de frénétique joie. Malgré ton cœur étanche, pas mes nuits et ton ire s'enclenche. Quand le saxo entame un solo qui t'offense, tu me plais et je sais que tes mains en vacances s'ouvrent le soir venu de ma vie de démence. Je glisse alors tes doigts délicats dans ma manche. Pour te transmettre un peu de la rouge violence qui consume mon corps. Empruntée, je me penche.